Bonjour mesdames et messieurs, c'est le moment du journal en langue française et de ce samedi 3 septembre 2022, les titres. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, appelle les agents de la justice et de travailler dans le respect de la loi. Il a dit ce vendredi lors de la rentrée judiciaire. Et les batois de la commune Gatara, membres des coopératives et sangouées, disent qu'ils ne bénéficient pas des animaux comme d'autres membres des coopératives sangouées. Vous allez le suivre dans ce journal. Dans ce journal, on va vous parler de plus de 300 hectares situés sur la colline Gishingano, en commune Mutimbuzi, la province Bujumbura, qui vont être ajoutés à 200 autres situés sur la colline Gasenyi de cette même commune. Voilà pour les titres. Eric Kouimana sur la mise en onde de Jean-Marie Mayonga, la présentation. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons cette édition par la page justice où le chef de l'État Bondé, Evariste Ndayishimiye, appelle les agents de la justice et de travailler dans le respect de la loi. Le chef de l'État l'a dit ce vendredi lors de la rentrée judiciaire. Suivez le chef de l'État qui est traduit en français par Balin Havyarimana. Urumuntu usoma bibiliya nti wakwigira igihangaje ndabwiza ukuri kuko imana yashobora kugukubita umunsi umwe igaguhonyana n'umujyango wose abantu bagasigara bari yumvira igicumuro si tu es quelqu'un qui lit la bible tu ne peux pas te croire plus fort car un jour dieu peut te punir et te décimer avec toute ta famille et les gens se posent des questions pour savoir le péché que tu as commis ces hommes forts sont appelés forts à cause de leur pays qui les ont fait d'être forts le pays commence à s'enrichir et lui commence à s'élever au lieu de se repentir et commence à montrer qu'il est plus fort dans le pays, qu'il est au-dessus de la loi. Homme de justice, aide-moi. Si tu vas jouer, il ne faut pas badiner avec ton pays. Ceux qui pensent être plus forts, je vous demande de changer. Au Burundi, on n'attendra plus des coups d'État et des guerres. Dieu est témoin. Ceux qui cherchent du mal pour le Burundi, maintenant, nous entamons le chemin du développement. Celui qui rêve du mal pour le Burundi, il a eu un échec. Si nous disons que nous avons besoin des intrants agricoles et tu caches ça, ça ne sera pas facile. Si nous avons besoin du carburant pour le business et tu bloques, tu ne le pourras pas. Dieu est là. Certains étaient déjà désespérés disant qu'on n'aura pas du carburant. Mais aujourd'hui, ce carburant est disponible. Qu'ils veulent ou pas, le dossier du carburant, je l'ai dans mes préoccupations. J'ai pris du temps pour étudier la situation. Tout ce qui est pour l'intérêt de la nation, je le prendrai en main. Je demande seulement aux agents de la sécurité, les agents de la justice, de tout faire pour que les malfaiteurs soient punis et que la loi soit appliquée. C'était le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, traduit en français par Balin Havyarimana. Et plus de 300 hectares situés sur la colline Gishingano, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, vont être ajoutés à 200 autres situés sur la colline Gasenyi de cette même commune pour sécuriser le palais présidentiel. Dans un compte rendu du Conseil des ministres tenu mercredi, Prosper Ntagwami, porté par le secrétaire général du gouvernement, a fait savoir que ceux qui occupaient les collines Remba et Karama vont relocaliser non loin de cet endroit et après avoir reçu leurs indemnisations, suivez-les. Projet de décret portant révision du décret numéro 100/128 du 23 juin 2016 portant déclaration provisoire d'utilité publique de la zone destinée à accueillir les infrastructures des services de la présidence de la République. En date du 23 juin 2016, le décret numéro 100/128 du 23 juin 2016 portant déclaration provisoire d'utilité publique d'un terrain de 200 hectares situé sur la colline Gasenyi, commune Mutimbuzi, de la province Bujumbura pour accueillir des infrastructures de la présidence a été signé. Comme ces terrains appartenaient aux particuliers, une procédure d'indemnisation a été entreprise, dont 40 hectares ont été déjà indemnisés, tandis que 160 autres ne le sont pas encore. Après analyse des limites du terrain concerné par le décret déclarant les 200 hectares comme une zone d'utilité publique, les services de sécurité ont constaté que ce terrain ne suffit pas pour assurer la sécurité de la présidence. Ils ont ainsi proposé d'intégrer la colline de Gishingano du d'une superficie de 334 hectares, 40 ars, 110 centiars, se trouvant sur les sous-collines Remba et Karama. C'est l'objet de ce projet de décret. Après échange et débat, le projet a été adopté avec comme recommandation dans le titre écrire « Déclaration d'utilité publique » et non « Déclaration provisoire d'utilité publique » pour éviter des spéculations. Trouver un autre site pour la relocalisation de la population se trouvant dans ce périmètre, notamment le site qui avait été identifié au départ pour abriter ces infrastructures et où la population a été indemnisée. Procéder à la clôture de ce périmètre déclaré d'utilité publique pour éviter toute spéculation. Identifier au niveau des provinces des sites à déclarer d'utilité publique pour que l'État dispose d'espace pour ces projets. Lors de ce conseil des ministres, le projet de décret portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire. Entre autres innovations de ce projet de loi, il y a notamment l'institution du juge unique dans certaines matières pour que le magistrat en charge du dossier assume et prenne ses responsabilités. Suivez-les encore une fois. Les principales innovations apportées par ce projet de loi sont l'institution du juge unique dans certaines matières pour que le magistrat en charge du dossier assume et prenne ses responsabilités dans ses décisions. L'instauration de l'opinion dissidente en cas de désaccord intervenu lors du délibéré. L'affectation des officiers du ministère public auprès des tribunaux de résidence. L'augmentation de la valeur du litige en ce qui concerne la compétence matérielle du tribunal de résidence en matière civile en vue de rapprocher la justice aux justiciables et de s'accommoder aux réalités économiques de l'heure. La restauration du principe du double degré de juridiction pour les litiges en rapport avec les terres rurales. La création d'une cour d'appel de commerce et des chambres commerciales au sein des tribunaux de grande instance. La réorganisation des juridictions administratives par la création des chambres spécialisées au sein des cours d'appel et des cours administratives ayant deux chambres, celle du premier degré et celle du second degré, qui doivent connaître de l'appel des arrêts rendus en matière administrative. La reconstitution d'un dossier judiciaire lorsque, par suite d'une cause quelconque, des minutes d'arrêt ou de jugement non encore exécutées ou des procédures en cours ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées. Après échange et débat, le projet a été adopté avec, entre autres recommandations, de porter l'opinion dissidente d'un juge dans le même jugement ou arrêt et ne pas la mettre en annexe afin d'éviter sa perte. Prévoir une chambre anticorruption dans les tribunaux de grande instance et des chambres d'appel dans les cours d'appel. Insérer une disposition qui indique les rapports entre le conseil des notables collinaires et le tribunal de résidence. Mentionner dans le projet que les cours et tribunaux doivent suivre de près les procès en cours dans les instances qui leur sont hiérarchiquement inférieures pour les amener à être beaucoup plus vigilantes. Indiquer dans ce projet la possibilité de recours auprès du Conseil supérieur de la magistrature et l'instance chargée de mettre en application la décision de ce conseil lorsqu'il constate un mal jugé. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Radio Isanganiro à 13h passé de 6 minutes, le journal continue. Les subsides des élèves internes sont majorés d'un montant de 100 francs par élève et par jour. Et cela à partir de la prochaine rentrée scolaire 2022-2023. Il passe alors de 800 à 900 francs par jour et par élève. Tels sont les propos du directeur général des finances et des patrimoines au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Certains directeurs des écoles à régime d'internat disent que cette majoration est dérisoire, mais ils apprécient le fait que les autorités compétentes ont déjà compris que les subsides de 800 francs par élève et par jour sont insuffisants vu les prix des denrées alimentaires sur le marché. Le point avec Gérard Nibigir. Le directeur général des finances et du patrimoine au ministère ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, Steven Yungeko, affirme que les subsides des élèves internes de 800 francs par jour et par élève sont insuffisants, d'où le gouvernement du Burundi a pris la décision de les majorer en y ajoutant une somme de 100 francs afin d'atteindre 900 francs par jour et par élève. Nous le constatons, nous aussi, c'est insuffisant, mais je sais que nous avons fait des efforts pour que les écoles puissent fonctionner. On a essayé de résoudre certains problèmes des écoles dans le passé. On fait des efforts pour chercher encore quelque chose à ajouter en tenant compte des prix et sur le marché. Je voudrais vous dire que pour cette année, on a augmenté son prix. Oui, ça, c'est 900 francs par jour et par élève. Donc, les subsides seront sur le compte d'ici la semaine prochaine. Il demande aux directeurs d'écoles à régime d'internat d'exploiter tous les terrains de ces écoles pour que les récoltes obtenues s'ajoutent aux subsides fournis par le gouvernement. Je profite de cette occasion pour interpeller aux directeurs d'établissements à régime d'internat. Ils ont des terrains qui ne sont pas exploités. Nous demandons que ces terrains soient exploités. C'est un objectif qu'on s'est donné au niveau du ministère, de suivre de près comment ces terrains sont exploités. Parce que nous avons besoin qu'il y ait des recettes qui entrent à travers ces terrains. Il faut que ça soit exploité. Il faut qu'il y ait des recettes d'autofinancement qui viennent pour appuyer les subsides de l'État. Donc, on va toujours chaque fois faire des visites au niveau des écoles. On va faire un encadrement des écoles pour promouvoir l'autofinancement. Les recettes d'autofinancement viendront donc pour appuyer ces subsides de l'État. Cependant, certains directeurs d'écoles à régime d'internat trouvent que cette majoration de 100 francs est dérisoire et proposent une majoration de 700 francs par jour et par élève pour atteindre un montant de 1500 francs par jour et par élève. Ils apprécient néanmoins le fait que les autorités habilitées ont déjà compris que les subsides de 800 francs par jour et par élève interne sont insuffisants. Vous vous souviendrez que la rentrée scolaire 2022-2023 est prévue lundi le 12 et courant. Les élèves internes devant regagner, les élèves internes devant regagner l'internat dimanche le 11 et courant. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isangani. Merci à toi, Jérémy Vigila, quittons la province de Gitega pour nous rendre dans la province de Kayanza où des familles de la communauté des Batois en commune Gatara, membres et adhérents des coopératives et collinaires d'Itsangwe, disent qu'ils ne bénéficient pas des animaux à élever, de même que d'autres membres de ces coopératives. Venuste Nduimana, conseiller du gouverneur à Kayanza, demande aux administrateurs communaux de suivre de près cette question afin de permettre à ces Batois de cheminer ensemble avec les autres vers un développement durable. Patrick Sengyumba. Ces habitants de la communauté des Batois qui habitent le site Gatongo en commune Gatala qui ont bénéficié des animaux domestiques à élever disent que ce bétail leur permet de se développer d'une manière ou d'une autre, surtout pour la fertilisation de leurs lopins de terre. Pourtant, Minani Cyprien, représentante de l'association Unissons-nous pour le progrès des Batois du Burundi, Uniproban en sigle en commune Gatala, déplore que des animaux distribués aux membres des coopératives collinaires Sangwe, des Batois en bénéficient peu par rapport aux autres membres de la coopérative. Donatien de Koubguiman, conseil social de l'administrateur en commune Gatara, les tranquillise que pour la prochaine distribution de ces animaux, des Batois auront accès à ce bétail comme étant d'autres membres des coopératives Sangwe qui n'en ont pas eu. Les habitants de la communauté des Batois habitant la colline Kivumu de la commune Matongo en province Kayanza et de leur côté, se lamentent qu'ils ont été rayés de la liste des autres bénéficiaires du bétail, membres de la coopérative Sangwe à cette colline. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits. Venu Stendouimana, conseiller du gouverneur en province Kayanza en charge du développement, appelle les administrateurs communaux à suivre de près cette question des Batois afin de leur permettre à cheminer avec tout autre Burundais vers un développement durable. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganilo. Merci à Patrick Nsengiyumva. Et dans la province de Mwaro, plus de 1100 enfants de la zone Nyakararo en commune Gisozi de la province Mwaro, ici des familles ayant des moyens limités, ont ici ce vendredi des cahiers. Ces cahiers d'une valeur d'environ de 6,5 millions ont été achetés avec des cotisations collectées dans des groupements de solidarité dits Naonudze, selon le responsable de ces groupements dans cette zone. L'administrateur de la commune Gisozi et le conseiller socio-culturel du gouverneur de cette province demandaient à ses enfants de s'atteler au travail scolaire. Le point avec Laurent Dikouli. Ces enfants de la zone Nyakararo en commune Gisozi de la province Mwaro qui ont reçu ces cahiers ce vendredi sont au nombre de 1177. Ils proviennent de toutes les six collines de la zone Nyakararo. Selon Dasman Irambona, responsable des groupements de solidarité dit Nawenuze de cette zone, ces cahiers ont été achetés avec une somme de 100 francs cotisés chaque semaine par membre. Il précise que ces cahiers ont une valeur d'environ 6,5 millions collectés dans les 65 groupements de solidarité de cette zone. Saône. Certains de ces enfants disent qu'il leur était difficile d'avoir du matériel scolaire à l'approche d'une année scolaire. Bernard Saïman, représentant national de l'Association pour la protection et promotion des droits à l'éducation des indigents, APDI en sigle, qui encadre ces groupements, dit que ce système de s'entraider dans la communauté fait qu'aucun enfant ne manque plus du matériel scolaire. Il ajoute que ces groupements où les membres cotisent une petite somme pour s'octroyer de petits crédits et assister les enfants de la communauté permettent une cohésion sociale. Il conseille à ces enfants de redoubler de force dans leur travail scolaire. Deon Aïcha, qui est administrateur de la commune Gisozi, et Clavin Gouroué, conseiller socio-culturel du gouverneur de la province Moaro, lui emboîte le pas. Il conseille à ces enfants qui ont reçu ces matériels scolaires de s'atteler aux études pour être de bons leaders pour le pays dans l'avenir. Selon ces autorités, un travail assidu permettra plus tard à ces enfants de se défaire de la situation où ils se trouvent et d'aider à leur tour d'autres catégories de personnes qui seront dans le besoin. De moi, Laurent Dicurio, Radio Isanganiro. Actualité internationale. Actualité internationale pour Mali. Sandaogo Damiba sera au Mali ce samedi 3 septembre pour une visite d'amitié et de travail. C'est la première visite officielle du président burkinabé à Bamako depuis sa prise du pouvoir le 24 janvier dernier. Avec son homologue malien, les deux personnalités passeront en revue plusieurs sujets d'intérêt dans le cadre de la coopération bilatérale. Selon la RFI, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se déplace pour discuter d'abord de coopération militaire afin de freiner l'action des groupes armés terroristes. Fin de ce journal et merci d'avoir suivi. Merci à Eric Wimana pour la collaboration technique, à la présentation. Vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. Je vous ai de passer un bon week-end, mais juste apprécier la revue de la presse. De la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. L'UNICEF, toujours aux côtés de l'éducation au Burundi, constate la voix de l'enseignant. En effet, explique ce journal, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique vient de recevoir un don d'un important matériel de la part du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Selon la représentante de cet organisme onusien, c'est une contribution visant à améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Le matériel, dont le coût s'élève à un peu plus d'1,250 milliard de francs burundais, est constitué de 30 ordinateurs portables, 30 scanners et de 200 tablettes destinées au Bureau de planification des statistiques de l'éducation et aux structures décentralisées impliquées dans la collecte des données, particulièrement la collecte instantanée. Selon cet hebdomadaire de l'éducation, l'UNICEF a également donné 2680 bancs pupitres pour l'équipement des 103 nouvelles salles de classe. Aussi, pour accompagner les apprentissages, le ministère a reçu plus de 300 000 cahiers de différentes tailles, en plus d'environ 90 000 stylos bleus et rouges, ainsi que plus de 11 000 boîtes de craie blanche et de couleur, rapporte toujours la voix de l'enseignant. Une salle de conférence internationale est en cours de construction au quartier NSS, zone Rohero, à mairie de Bujumbura, par l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au bois, écrit Burundi Echo. Pouvant accueillir 1 400 personnes, le délai d'exécution des travaux de construction de cette infrastructure est de 7 mois selon Jean-Pierre Gateretse, commissaire général de l'Obura. Cette salle de conférence internationale sera construite avec un budget de 9 milliards de francs burundais, précise ce journal, qui souligne que la mise en chantier de cette salle intervient au moment où le Burundi figure parmi les pays qui ne possèdent pas un centre international de conférence pouvant accueillir les congrès, les séminaires, les expositions, etc. L'absence de cette infrastructure a été un des défis soulevés dans le Forum national sur le développement du Burundi tenu en novembre 2021, rappelle ce confrère. Pourtant, la construction de cette infrastructure peut transformer structurellement l'économie, fait remarquer cet hebdomadaire socio-économique. Revue de la presse. Le Burundi va abriter le siège du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, rapporte l'agence burundaise de presse, qui précise que l'accord de siège a été signé entre le gouvernement du Burundi à travers le ministère en charge de la coopération au développement et le secrétaire exécutif de ce centre, Charles Binam. Le Cerdotola est une institution internationale de coopération scientifique, culturelle et diplomatique pour la préservation de la diffusion et la mise en valeur du patrimoine africain. Dans un point de presse animé par les deux personnalités que rapporte son confrère, le ministre Albert Shingiro a signalé que c'est pour la première fois que le Burundi va abriter le bureau régional de cette organisation vieille de 47 ans et qui regroupe l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Selon lui, poursuit la BP, le fait d'avoir le siège au Burundi présente un avantage à double titre. D'une part, cela va permettre de collaborer étroitement avec l'institution pour que les efforts du Burundi en matière de promotion de la culture et de la recherche scientifique puissent être appuyés par l'organisation. D'autre part, note toujours ce quotidien, cela va permettre aux Burundais d'avoir du travail au sein de cette organisation. On termine cette revue de presse par un blogueur Yaga qui commente l'arrestation vendredi de l'artiste rwandais Bruce Itaiwachu du nom de scène Bruce Melody après sa sortie d'avion pour qu'il soit entendu sur des frais non remboursés après annulation d'un de ses concerts. Il était attendu à Bujumbura pour deux grands concerts les 2 et 3 septembre. Ce qu'il appelle le Bruce Melody Gates est un cas parlant d'une justice qui fonctionne à double sens. Pour lui, si un citoyen peut faire valoir son argent et orchestrer un recouvrement aussi spectaculaire au risque d'écorner l'image du pays, il ose espérer qu'un grand appareil qu'est l'État obtiendrait en un laps de temps tous les détournements opérés et dont d'ailleurs le président de la République ne s'efforce plus à pointer du doigt. Aux yeux du monde, poursuit ce blogueur du collectif Yaga, ce que nous venons de faire à cette icône du Rwanda n'est autre qu'une honte habillée d'incohérence, regrette ce confrère qui conclut son billet par cette interrogation « Comment continuer à prêcher le visite Burundi ?» Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndeokubgayo et Jean Bosco Douimana. À la prochaine. Revue de la presse.